Entrepôt de gendarmerie en feu, que reste-t-il des libertés sur le web? C'est un texte donc paru sur le site Indie Média Nantes, nantes.indiemedia.org, le 22 septembre 2017. Dans la nuit du mercredi 20 septembre, en geste de solidarité pour les personnes qui passent en procès à Paris pour l'affaire de la voiture de police brûlée quai de Valmy, et pour laquelle de lourdes peines ont été requises par le procureur, des allumettes étaient craquées pour incendier des véhicules et entrepôts de la gendarmerie à Grenoble. Lire et signer aussi l'appel à solidarité de Média Libre. Dès le matin suivant, la presse, toujours en mal de sensations, en faisait ses gros titres. Le midi même, un texte de revendication était publié d'abord sur Indie Média Grenoble, puis sur notre site. Le ministère de l'Intérieur Gégé Lacolombe, les gardiens et gardiennes de la paix, déjà bien en difficulté devant la grogne des pauvres policiers et policières ces derniers temps, ne pouvait que réagir et balance un tweet en soutien à ses sbires. L'AFP a d'ailleurs publié sur Indie Média Grenoble un très bon résumé de cette histoire médiatique. Le soir même, les personnes hébergeant le nom de domaine indiemedia.org reçoivent une injonction du ministère de l'Intérieur de supprimer cette contribution d'Indie Média Grenoble, suivie de près par une autre pour Indie Média Nantes. Comme on pouvait s'y attendre, la fumeuse raison invoquée est la provocation à des actes de terrorisme ou à apologie de tels actes, article 421-2-5 du Code pénal. Les dispositions de la LCEN, voire en fin d'article, sont utilisées pour menacer de blocage et de déréférencement, suppression du site de moteur de recherche, si la contribution n'était pas supprimée avant les 24 heures. Le collectif de modération s'est donc retrouvé devant un choix difficile. Laisser la contribution en ligne et se faire couper de l'Internet non torréfié, autrement dit 80% des visiteuristes du site, ou céder à la pression et cacher la contribution. Il n'y a pas de réponse simple dans ce cas de figure, et céder aux intimidations du ministère de l'Intérieur ne nous enchante pas pour ce que cela signifie à l'avenir en termes de censure. D'un autre côté, cette contribution est en ligne depuis 2 jours et a pu être lue par beaucoup de monde. Elle a même été recopiée sur de nombreux sites. Nos courageux et courageuses camarades du Dobé ont même pris l'initiative de la recopier intégralement à 13h36. Dobé, c'est le Dauphiné libéré du coup. Même s'il semble qu'il et elle n'aient toujours pas compris qu'anarcho-libertaire est encore une de ces invencieux sans queue ni tête de journaleux. Décidément, l'effet stressant aussi appelé flamby dans nos contrées aura raison des tentatives de censure de contenu sur le web, même si cet article est maintenant aussi disponible sur des sites comme archive.org, nous appelons tous les collectifs désireux de nous soutenir à relayer cette revendication ainsi que cette histoire. Mais risquer de voir le site coupé, c'est aussi invisibiliser encore un peu plus tous les autres gestes de soutien qui se sont produits ces derniers temps et qui ont été revendiqués ici, ainsi que toutes les autres communiqués d'action qui remplissent notre colonne globale, et parfois locale, depuis des années. C'est aussi enlever un des outils qui permet au niveau local de s'organiser et de diffuser de l'information depuis les luttes et par les luttes, ainsi que toutes leurs archives que nous hébergeons. À Indie Média Nantes, nous considérons que ces actes sont des actes de résistance et font partie des moyens que les personnes en lutte peuvent parfois utiliser contre les gouvernements et patrons qui continuent chaque jour d'intensifier l'exploitation et les dominations que nous subissons. Il y a malheureusement bien peu d'endroits que le web ou ses revendications peuvent être rendues publiques. Et c'est bien là l'une des volontés de cette menace. Faire en sorte que ces actes de révolte soient invisibilisés, en plus de lécher les porteurs de bottes dans le sens du poil pour les calmer. Devant l'intensification des tensions sociales que nous vivons, il n'est pas surprenant que le gouvernement essaye de censurer les expressions de résistance. La question de comment l'empêcher de policer ces expressions et les autres sur le web nous semble être encore ouverte. Ce n'est pas la première fois que nous sommes mis au devant de la scène pour des contributions que nous recevons. Nous y sommes même maintenant presque habitués. Depuis que nous sommes cités dans toutes les affaires qui agitent le monde judiciaire contre la fameuse mouvance anarcho-autonome. Cela dit, nous aimerions rappeler à nos aimables contributrices que cette position n'est pas toujours très confortable et que même si nous prenons des précautions et que nous espérons que vous le faites aussi, la façon dont les actes sont revendiqués peut parfois aider à éviter ce genre de mésaventure. Comme le disent si bien les compagnons et compagnonnes de Indie Média Grenoble, ce qui nous touche aujourd'hui, c'est ce qui peut toucher tous les autres médias dans les temps à venir. Des détails de la LCEN invoquée, courrier visible sur Indie Média Grenoble en entier. Là, c'est une suite d'articles, les décrets, l'article 6.1 de la loi 2004-575, l'article décret numéro 2015-125 du 5 février 2015 et le décret 2015-253 du 4 mars 2015. Voilà, donc ça c'était le texte d'explication de Indie Média Nantes concernant la censure qui s'est opérée sur leur site et donc c'est à trouver sur le site nantes.indiemedia.org.